Les pierres parlent plus fort que vos cris. Chaque vérité s'ancre ici. Vos mensonges volent dans le vent. Right is your rest, éternel présent. Vous courez derrière des ombres vides. Chaque mot creux nourrit vos rides. Idoles de papier, gloires éphémères. Vos vérités sont passagères. Moi j'ai bâti sur la sincérité. Chaque bloc est lourd de vérité. Rider Skill trace une route claire. Mes fondations sont faites de pierre. Oh. Oh. Every scar becomes a rhyme. Shadows fall, but I remain. Through the fire, through the pain. Stone truth cannot die. I will rise, I will fly. Vos foules répètent sans comprendre. Chaque mot vide les fait descendre. Vos chaînes brillent mais tiennent vos vies. De fausses couronnes, un faux pays. Mais moi je parle sans artifice. Chaque souffle porte mes prémices. Riders Skill règne dans vos silences. Ma voix grave brise vos absences. S'éteigne dans ma lumière. Chaque attaque devient poussière. Je marche droit, honnête et fier. Red Skill gravé dans la pierre. Je tiens, chaque vérité forge mes mains. Rider Skill n'est pas une illusion. Je suis la légitimité, la conviction.